sont dures, j'la fais distraite dans tous ces faux bandits. Et tu sais ce qu'on entend, tu parles sur moi, j'ai envie de te patater. Arrête tes patatis, si tu béton, t'envoies aucun mandat. Je te laisse les patatons, j'ai tout géré, j'ai vu des fils des putes. Toujours su comment faire, quand je suis présent, ça fait zéro critique. Mais laisse des commentaires, j'préfère rester avec les petits de la tour. Que tu sais dès la terre, 2h du match, c'est moi qui pars à la chasse de mes prédateurs. Au bout du fil, j'ai la chance de l'hôtel, je annonce mon arrivée. Les clés en dessous de la porte, même à 1h du match, comme chaque semaine, j'ai cassé la sepu avant qu'ils me localisent. C'est moi qui tiens les rênes, j'ai échec et mat. Comme d'habitude, j'ai besoin de la péter, j'ai besoin d'un pétou, j'ai pris son hume, j'ai besoin de l'appeler, je récupère un nouveau tel. Et ta copine, elle a donné son cul, oui, nous on le sait tous. C'est la soirée, elle commence sur Paname, Sarmino, nouveau tel. C'est pas la peine, elle veut me faire les yeux doux, mais ça vaut pas la peine. Dans nous, tu fais semblant, mais tu l'as même pas qu'elle, putain. Arrête, tu fais semblant, toi t'as une arme sous quel coussin, de quel cousin. C'est pas la peine, elle veut me faire les yeux doux, mais ça vaut pas la peine. Dans nous, tu fais semblant, mais tu l'as même pas qu'elle, putain. Arrête, tu fais semblant, toi t'as une arme sous quel coussin, de quel cousin. Comme d'habitude, faut que je récupère ma part, je suis dans le deuxième appart et la gadie, elle nous fait les yeux doux, faut la prendre comme un pas. Là où j'en suis, je pouvais sauter d'un pont, j'ai reculé d'un pas. Si t'avais vu la moitié de ce que j'ai fait, t'aurais pété un cap, après y'en a tous des sous. 6h du mat, garde un dépôt et tous ces sous. Si à aucun moment je me suis dit j'ai merdé des sous. Si y'en a qui sortent après pour qu'avant ensuite font comme si ils avaient nié tous les faits. On connaît tes défauts, on peut se tromper sur l'apparence des vrais. Il faut se rappeler son son, on les connaît, on sait qu'ils sont pas prêts. Quand le canon fait feu, ça porte plainte, ça raconte tous les faits. Tu connais, je parle pas, un truc à faire, je fais pas donner, c'est là-bas, j'ai pardonné, puis j'ai fini là-bas. Pour la mif, c'est là-bas, tu fais un pas sur ma mère, on t'abat. Toi, tu vas rien m'apprendre pour faire des sous, je me suis levé le matin. La mif, elle veut un tour, je la ramène au métro. Y'a trop de jaloux qui tombent dans la neuse. Parfois, je fais des chasses en deux roues, c'est juste pour m'amuser. Les keufs te balayent pour aucune raison. Ils ont pas de preuves, ça dit que c'est toi la tête du réseau. Y'a trop de jaloux qui tombent dans la neuse. Parfois, je fais des chasses en deux roues, c'est juste pour m'amuser. Les keufs te balayent pour aucune raison. Ils ont pas de preuves, ils disent que c'est toi la tête du réseau. Pas la peine. Elle veut me faire les yeux doux, mais ça vaut pas la peine. Dans nous, tu fais semblant, mais tu l'as même pas qu'elle, putain. Arrête, tu fais semblant, toi t'as une arme sous quel coussin, de quel cousin. C'est pas la peine. Elle veut me faire les yeux doux, mais ça vaut pas la peine. Dans nous, tu fais semblant, mais tu l'as même pas qu'elle, putain. Arrête, tu fais semblant, toi t'as une arme sous quel coussin, de quel cousin.